Audiomatique. c'est la formation Dead Can Dance menée par Brandon Perry et Lisa Gerrard qui introduisait cette transmission 330 d'Audiomatique grâce à une de leurs pièces instrumentales intitulée Seaborn apparaissant sur leur plus récent album Dionysus paru en 2018. C'est sans embâge que les sonoristes vous proposent leur prochaine suggestion musicale à Audiomatique. We'll be right back. À Audiomatic, nous vous avons offert la formation texane Explosions in the Sky et leur composition With Tired Eyes, Tired Minds, Tired Souls, We Slept, extraite de leur deuxième album Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Forever, sorti en 2001. Et c'est le compositeur Martin Nonstatic qui assure la suite d'Audiomatic. À Audiomatique, nous venons d'entendre le projet Subheim et sa pièce Crimson apparaissant sur son plus récent album intitulé Police, paru en 2020. Avant Subheim, c'était l'artiste hollandais Martin van Rossum qui compose sous le pseudonyme Martin Non-Static, de son plus récent album Tree Line, paru en 2020 aussi. Nous avons écouté la pièce Crimean Mountains. Pour la suite d'Audiomatique, les sonoristes vous présentent la musique du compositeur suédois Ludwig Forssell. Conclusion de ce segment musical à Audiomatique, nous entendions la musique du duo suédois Sunkite et la pièce The Stars Within Us qui comprend des échantillonnages de la chanson Prayer for Rain du groupe anglais The Cure. The Stars Within Us de Sunkite se retrouve sur son album Colors, lancé en 2004. Et pour débuter, il s'agissait du compositeur suédois Ludwig Forssell et la pièce Flower of Fingers, qui est tirée de la bande originale pour le jeu vidéo Death Stranding, produit par le japonais Hideo Kojima, sorti en 2019. Pour conclure cette transmission d'Audiomatique, les sonoristes vous présenteront le projet Cabaret Voltaire mené aujourd'hui en solo par un de ses trois membres fondateurs, soit Richard H. Kirk. De son plus récent album Shadow of Fear, nous entendrons la pièce What's Going On. Rappelons que Cabaret Voltaire a été fondé en 1973 à Sheffield, en Angleterre, et figure comme un groupe pionnier de la musique électronique expérimentale et industrielle. Mercredi prochain, dès 17h, les sonoristes seront enceints entre les murs du studio de C'est Fou 89.1 FM dans le respect total des mesures sanitaires pour vous présenter la transmission 331 d'Audiomatique. Nous vous invitons également à consulter nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et également mixcloud.com/audiomatique pour entendre ou réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc pour terminer Cabaret Voltaire et la pièce What's Going On. C'était Audiomatique avec les sonoristes. up there. You're either with me or against me. What's going on?